Chapitre 10e. Victor Hibert était heureux. Enfin, il avait donc le droit de relever la tête, de regarder dans la glace son visage maigre, sans craindre son propre reproche muet et profond, sa conscience, visible dans la fièvre de ses yeux. Il avait rejeté comme une livre hideuse cet argent qui n'était pas à lui. L'argent, était-ce donc tout, l'argent? Et une fois qu'on le tient, tout est-il par lui absous et glorifié? Allons donc. Il a sa saveur que sa source lui donne. Celui qu'on a gagné par un franc travail personnel n'a pas le même goût que celui qu'a crocheté l'audace ou soutiré la ruse. Enfin, enfin, il s'était débarrassé du remords qui l'étranglait comme un lacet autour de son cou. Il ne lui restait que cette pensée douloureuse, chargée encore d'un reproche atroce. Par le fait seul qu'il avait détenu, fût-ce une heure, confisqué et caché le second testament, il était déshérité de tout droit sur le premier. Mais avait-il aussi le droit, en se dénonçant comme coupable d'un délit qui relevait du code, de priver son André, sa fille, de la part qui lui revenait sur la fortune de Ducret? Innocente, André devait-elle payer pour lui, coupable? L'héritage dont il était indigne revenait d'ailleurs à André, logiquement, légalement, autant qu'à Louis et à Raymonde. « Tu n'as plus de remords à avoir, non, » lui dit un matin Louis, « et maintenant, tu peux vivre en paix. » Vivre, oui, certainement, il pouvait, il voulait vivre. Tous ceux qui l'entouraient avaient leur part de bonheur. Louis, rajeuni, souriait à Raymonde, gai comme un Sansonnet, et folle de la peinture et du peintre. Guillemard, tiré d'affaire, soufflait de joie, comme un condamné à mort à qui l'on apporte, accepté, le pourvoi en grâce. Il avait laissé presque toute sa laine au buisson et le roi de la boustifaille n'était plus que le roi de la diète. Mais il pouvait encore porter le front levé et si, pour sauver le nom, tout y avait passé, comme il disait, il avait le droit de regarder comme la boue de ses souliers l'échappée de Mazas. Quand je pense que j'aurais pu être exécuté comme un courtier marron, écrasé comme un insecte, ou finir comme Molina, j'en ai la chair de poule, pauvre Salomon. Il le revoyait tel qu'on lui avait montré à Ivry, sous les arbres du docteur Luis, la tête rasée, la face convulsée, criant « Chante d'amis !» aux aliénés qui le regardaient avec mépris, chacun d'eux suivant son rêve de maniaque. La petite Marie Launay, la danseuse, avait déjà remplacé Salomon Molina le tombeur par le marquis de Lansac, l'ami d'Alice Hervier. « Au moins, » demandait Victor au cousin Émile, « es-tu corrigé maintenant ?» Guillemard riait un peu. « J'étais empereur de la Bourse, j'ai abdiqué, mais je ne dis point que je ne tenterai pas un retour de l'île d'Elbe. » Il se vantait. Épaissi, la tête lourde, menacé d'hémiplégie depuis les angoisses de ces derniers temps, il suivait le conseil du docteur Loraux. Il se reposait. « À cette condition, avait dit le médecin à Raymonde, je réponds de votre père. « Alors c'est bon. Papa ne travaillera plus. Décret officiel de Madame Louis Ribert, sa fille. » « Et mon cousin Victor, en répondez-vous aussi ?» demandait Raymonde. Le docteur Loraux hochait la tête. Chez Ribert, c'était le cœur qui était atteint gravement. Le médecin surveillait anxieusement les progrès du mal, laissait tomber de temps à autre quelques banales paroles de confiance. Mais visiblement, la maladie de cœur de Ribert, les palpitations, les syncopes augmentaient. La digitale devenait sans puissance. Le docteur parla de la campagne. Il fallait arracher Ribert à ce pari, à ce logis de la rue de Châteaudun où il semblait que de mauvais souvenirs demeurassent tapis. Au premier beau jour, on partirait. Puis, quand reviendrait l'automne, à la rentrée à Paris, le mariage aurait lieu. Le mariage de Lille avec André, heureux, l'un et l'autre, de prolonger auprès de Ribert, presque à son chevet, ces chères et souriantes heures des fiançailles qui sont comme l'aurore rose des amours. Anxieuse maintenant, inquiète, Geneviève pressait le départ pour Ville-d'Avray. Là-bas, dans ce logis caché, Victor respirerait mieux, se guérirait plus vite. Geneviève tremblait qu'il ne fût atteint mortellement. Il lui disait parfois, la regardant en souriant, la trouvant jolie avec ses beaux yeux noirs. « Si je n'étais plus là, comment te dirait bien vite qu'on l'en t'aime ?»« À moi ?» Elle essayait de sourire, mais la plaisanterie la poignardait. « Oh, que tu te trompes !» répondait-elle. Une femme n'a jamais que l'âge de son cœur, et si je te perdais, il vieillirait vite, mon pauvre cœur, va. D'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Je suis déjà vieille, je marie ma fille, je vais être grand-mère. Elle essayait de le rassurer ainsi sur ses propres craintes en plaisantant, mais elle avait hâte de le savoir à Ville-d'Avray pour le voir guérir. Il eut en effet, en descendant du chemin de fer, en retrouvant les allées d'habitude, ses sentiers préférés, ses arbres, une heure de joie profonde, presque candide. Ces choses gardaient une partie de sa vie. Il ouvrait toute grande ses narines à l'air des bois. Geneviève avait raison, il revivait. « Si tu veux, disait-elle, cet hiver, quand notre fille sera mariée, nous irons à Nice. Je ne connais pas Nice, mais ce n'est pas pour moi, va, que je vais y aller. Un hiver, là-bas, te fera du bien. » Elle ajoutait, souriante, pour lui montrer combien elle était rassurée maintenant et heureuse. « Nous pouvons faire ce que nous voulons, nous sommes riches. »« C'est vrai, disait Ribert. » Il n'allait plus jamais vers ce coin de la terrasse d'où il se plaisait autrefois à regarder Paris. C'était là qu'il avait bronché dans sa droite voie. Et il lui semblait qu'il devait se heurter là à quelque chose comme le spectre de son honneur. « Vois-tu, disait-il, un soir tout bas à Louis, dans sa bibliothèque, tandis qu'à travers les vitres il regardait dans le jardin, passer sur les allées de sable, les jupes blanches et bleues de Geneviève, de Raymond et d'André. Il y a des êtres en ce monde qui vivent de leur infamie. Il en est d'autres qui en meurent. Je crois que j'en meurs, moi. On ne se refait pas, on se subit. » Louis essayait de lui démontrer alors en toute conscience la vanité de ses remords. Qu'avait-il donc détourné? Un papier inutile, sans valeur, caduque. Puisque Raymond refusait de se plier aux caprices de Ducret, comme Olivier Giraud, hautain, déclarait que cette fortune, il ne la voulait pas. « Cher bien-aimé Raymond, va, disait Louis, elle m'aimait, moi qui la croyais férue de son monsieur Olivier, elle m'aimait moi, mes bêtises, mes paradoxes et mes cheveux gris. Nous n'avions qu'à lui dire, voilà le testament, pour qu'elle répondît, je m'en moque de votre testament et je le déchire. » « Oui, répliquait tristement Ribert, notre crime même était inutile, inutile, nous n'avions même pas besoin de nous salir. Vois-tu, disait-il encore, la conscience est une terrible maîtresse. L'homme doit lui rester fidèle, toujours fidèle. Quand on la trahit, elle ne pardonne pas. » À la fin, Louis renonçait à consoler cette conscience, comme le docteur Leroux a stimulé cette anémie. Il y avait en Ribert quelque chose de brisé. Il se laissait aller, ayant tour à tour l'envie de durer et le dégoût de vivre. Un jour qu'Olivier lui disait, comme tout le monde, « Ce ne sera rien. » Ribert sourit. « En effet, mon cher enfant, ce ne sera rien puisque c'est la mort. » Il avait dit cela si doucement et si gravement à la fois qu'Olivier frissonna. « J'ai interrogé le docteur Leroux l'autre jour. Il est franc et je suis brave. C'est la dernière atteinte cette fois. Sûrement. N'appelez pas. Je voudrais mourir en m'endormant, sans bruit, sans attrister personne. » Il était assis dans un fauteuil à dossier haut, et par la fenêtre ouverte de sa chambre, il regardait devant lui, presque curieusement, comme s'il en voulait emporter l'image, ses collines toutes vertes, là-bas, sur l'autre coteau. « Il fait bon, » dit-il, aspirant l'air, son cou sinueux apparaissant à travers son col entrouvert et buvant l'odeur du dehors. Un ciel très doux, d'un gris de perles, avec un soleil chaud qu'on sentait derrière les nuages clairs, s'étendait sur la campagne assoupie. Point de vent. Les arbres semblaient comme endormis. Les acacias restaient immobiles. Un frisson léger agitait seul les extrémités du grand marronnier près de la fenêtre. Il y avait dans les feuilles sombres des petites taches vertes et rondes. Il ne les verrait pas tomber. Il regardait, près des touffes de fleurs, le gazon, les allées presque roses, les saules traînant sur le gravier, et là-bas, derrière les arbres, la terrasse invisible où il s'était assis, froissant entre ses doigts le testament. Une lumière douce tombait sur tout cela, et dans les lointains, les maisons blanches souriaient, blotties dans les bois. « C'est joli, ce coin de campagne. Je mourrai donc ici, chez moi, et heureux. Oui, heureux. » Il répétait le mot avec une sorte d'ivresse. « Heureux, puisque le devoir est rempli. » Doucement, Olivier, inquiet, avait poussé un timbre et en même temps, tout anxieuse, André et Geneviève étaient accourus, étouffant leurs pas sur l'escalier. En ouvrant la porte, André fut brusquement frappé par le changement qui s'était fait sur le visage de son père. Non qu'il fût pâle ou sombre, au contraire, il rayonnait, mais d'une exaltation bizarre, d'une fièvre maladive avec un sourire étrange et plein d'un au-delà funèbre. « Qu'est-ce que tu as ? » dit-elle vivement. « Votre père souffre, André. Une dépêche, docteur Leroux, dit Olivier. Ribert fit un signe. Non, non, je ne souffre pas, je ne souffre pas. Sa main chercha la main d'André, celle de Geneviève. On l'entendit murmurer comme dans un soupir. J'aurais dû finir le jour où je n'ai pas couru tout de suite, j'ai au boin. Si tu savais, dit-il en se penchant vers la joue de Geneviève, ce que j'ai fait pour toi. C'était pour toi, ma Geneviève aimée. Il parlait comme dans un délire, et Geneviève, s'écroulant à côté du fauteuil aux pieds de Ribert avec un déchirement de toute sa poitrine et de toute son âme. « Ah, dit-elle, en se frappant le front, nous retrouver pauvres comme au jour où il m'a aimé, l'aider dans son travail, et manger du pain sec au besoin, et souffrir. Mais le garder, mon Dieu, gardez-moi, mon Victor, mon mari, mon maître, et si bon, et que j'aime. Ah, que je t'aime !» Elle baisait la main de Ribert. Elle y mêlait ses baisers et ses larmes. Et lui, sentant sous sa caresse les cheveux bruns de son adorée Geneviève, souriait. De ce sourire heureux et doux des heures lasses, avant le sommeil. « Ne pleurez pas. Vous croyez que je souffre ? » disait-il, répétant que cette heure était une joie. « Oui, j'ai souffert. Mais maintenant, non. Se sentir aimé, c'est bon. Et pardonné, et digne de soi-même. » « Toi aussi, tu souffrais, André, comme moi. Oui, toi aussi. Mais la jeunesse, c'est si fort. » Il appela d'un ton bref. « Olivier ?»« Monsieur Ribert ?» La voix du jeune homme tremblait. « Je te les confie, mon enfant. Aime-les bien. » La lumière du dehors éclairait sous le dossier du fauteuil cette face auguste de mourant. Ribert souriait toujours, l'infini sur les lèvres et dans le regard. « Geneviève, André, je vous ai bien aimé, dit-il. « Maintenant, comptez sur Olivier. Ah, mon pauvre Olivier, je te les lègue. C'est la vie qui commence pour toi, pour André. Oubliez-moi, pas trop vite. Et soyez heureux, heureux comme je le suis de vous savoir unis. Et toi, Geneviève ? Ah, moi, ma vie est finie, finie avec toi. Tu emportes toute ma joie si tu pars. Je n'aime que toi. Aime-les eux, fit le mourant en lui montrant Olivier et André. Qui est là ? Dit-il en entendant du bruit sur le palier derrière la porte. Olivier regarda et dit « C'est Louis. Faut-il qu'il entre ? S'il le faut. » Il sourit à Louis comme il souriait à André et à Geneviève, agenouillé à ses côtés, comme il souriait à sa délivrance. Il tendit la main au peintre. « Eh bien, mon vieux Louis, voilà donc ma tâche finie ?»« Il n'y en a pas eu de plus digne et de plus vénérable, Victor, » répondit Louis, la lèvre blême. Victor s'était dressé à demi, maintenant. Plongeant son regard sur les bois, les fleurs, l'air, toute cette lumière et cette vie de là-bas. Puis, comme inspiré, avec l'étonnement d'un enfant au seuil d'un jardin, c'est grand la mort. Et quelle clarté, dit-il, la voix changée. Il resta là un moment, ébloui, souriant, la face illuminée de la joie d'un juste, puis il soupira et retomba sur le dossier, doucement. On aurait cru qu'il dormait. Alors, à côté des femmes agenouillées de Louis Ribert mordant son mouchoir pour étouffer ses sanglots rauques, Olivier Giraud s'inclina et toute sa fermeté d'âme se fondit dans un cri de reconnaissance, de dévouement et d'amour pour ce mort, vers lequel il se pencha, les yeux noyés, le baisant au front et l'appelant de ce nom adoré qu'il n'avait jamais donné à personne, mon père. C'est ainsi que se termine « Le million » de Jules Claresi.